que pour toi je serai toujours présent, près de toi pour t'épauler, te voir grandir. Pour rien au monde je ne veux rater ces instants. Savent qui te donnera le sommet.